Cazotte. Premièrement, l'auteur du Diable amoureux appartient à cette classe d'écrivains qu'après l'Allemagne et l'Angleterre, nous appelons humoristiques, et qui ne se sont guère produits dans notre littérature que sous un vernis d'imitation étrangère. L'esprit net et sensé du lecteur français se prête difficilement aux caprices d'une imagination rêveuse, à moins que cette dernière n'agisse dans les limites traditionnelles et convenues des contes de fées et des pantomimes d'opéra. L'allégorie nous plaît, la fable nous amuse. Nos bibliothèques sont pleines de ces jeux d'esprit destinés d'abord aux enfants, puis aux femmes, et que les hommes ne dédaignent pas quand ils ont du loisir. Ceux du XVIIIe siècle en avaient beaucoup, et jamais les fictions et les fables n'eurent plus de succès qu'alors. Les plus graves écrivains, Montesquieu, Diderot, Voltaire, berçaient et endormaient par des contes charmants cette société que leurs principes allaient détruire de fond en comble. L'auteur de l'Esprit des Lois écrivait le Temple de Gnide. Le fondateur de l'encyclopédie charmait les ruelles avec l'oiseau blanc et les bijoux indiscrets. L'auteur du dictionnaire philosophique brodait la princesse de Babylone et Zadig des merveilleuses fantaisies de l'Orient. Tout cela, c'était de l'invention, c'était de l'esprit et rien de plus, sinon du plus fin et du plus charmant. Mais le poète qui croit à sa fable, le narrateur qui croit à sa légende, l'inventeur qui prend au sérieux le rêve éclos de sa pensée, voilà ce qu'on ne s'attendait guère à rencontrer en plein XVIIIe siècle, à cette époque où les abbés poètes s'inspiraient de la mythologie, et où certains poètes laïcs faisaient de la fable avec les mystères chrétiens. On eût bien étonné le public de ce temps-là en lui apprenant qu'il y avait en France un conteur spirituel et naïf à la fois qui continuait les mille et une nuits. Cette grande œuvre non terminée que M. Galland s'était fatigué de traduire, et cela comme si les conteurs arabes eux-mêmes les lui avaient dictées, que ce n'était pas seulement un pastiche à droit, mais une œuvre originale et sérieuse, écrite par un homme tout pénétré lui-même de l'esprit et des croyances de l'Orient. La plupart de ses récits, il est vrai, Cazotte les avait rêvés au pied des palmiers, le long des grands mornes de Saint-Pierre, loin de l'Asie sans doute, mais sous son éclatant soleil. Ainsi, le plus grand nombre des ouvrages de cet écrivain singulier a réussi sans profit pour sa gloire, et c'est au Diable amoureux seul, il y a quelques poèmes et chansons, qu'il a dû la renommée dont s'illustrèrent encore les malheurs de sa vieillesse. La fin de sa vie a donné surtout le secret des idées mystérieuses qui présidèrent à l'invention de presque tous ses ouvrages et qui leur ajoutent une valeur singulière que nous essayerons d'apprécier. Un certain vague règne sur les premières années de Jacques Cazotte. Né à Dijon en 1720, il avait fait ses études chez les Jésuites, comme la plupart des beaux esprits de ce temps-là. Un de ses frères, grand vicaire de M. de Choiseul, évêque de Châlons, le fit venir à Paris et le plaça dans l'administration de la marine, où il obtint vers 1747 le grade de commissaire. Dès cette époque, il s'occupait un peu de littérature, de poésie surtout. Le salon de Raucourt, son compatriote, réunissait des littérateurs et des artistes, et il s'en fit connaître en lisant quelques fables et quelques chansons, premières ébauches d'un talent qui devait, dans la suite, faire plus d'honneur à la prose qu'à la poésie. De ce moment, une partie de sa vie dut se passer à la Martinique, où l'appelait un poste de contrôleur des îles sous le vent. Il y vécut plusieurs années obscures, mais considéré et aimé de tous, et épousa Mademoiselle Élisabeth Royan, fille du premier juge de la Martinique. Un congé lui permit de revenir pour quelque temps à Paris, où il publia encore quelques poésies. Deux chansons qui devinrent bientôt célèbres datent de cette époque, et paraissent résulter du goût qui s'était répandu de rajeunir l'ancienne romance ou ballade française, à l'imitation du Sieur de la Monnoye. Ce fut un des premiers essais de cette couleur romantique ou romanesque dont notre littérature devait user et abuser plus tard, et il est remarquable de voir s'y dessiner déjà, à travers maintes incorrections, le talent aventureux de Cazotte. La première est intitulée « La veillée de la bonne femme » et commence ainsi. Tout au beau milieu des Ardennes est un château sur le haut d'un rocher, où fantômes sont par centaines. Les voyageurs nous en approchaient. Dessus des tours sont nichés les vautours, ces oiseaux de malheur. Hélas, ma bonne, hélas, que j'ai grand peur. On reconnaît déjà tout à fait le genre de la ballade telle que la conçoivent les poètes du Nord. Et l'on voit surtout que c'est là du fantastique sérieux. Nous voici bien loin de la poésie musquée de Bernice et de Dora. La simplicité du style n'exclut pas un certain ton de poésie ferme et colorée qui se montre dans quelques vers. Tout alentour de ces murailles, on croit ouïr les loups-garous hurler. On entend traîner des ferrailles. on voit des feux, on voit du sang couler, tout à la fois, de très sinistres voix, qui vous glacent le cœur. Hélas, ma bonne, hélas, que j'ai grand peur. » Sire Enguerrand, brave chevalier qui revient d'Espagne, veut loger en passant dans ce terrible château. On lui fait de grands récits des esprits qui l'habitent. Mais il en rit, se fait débotter, servir à souper, et fait mettre des draps à un lit. À minuit commence le tapage annoncé par les bonnes gens. Des bruits terribles qui font trembler les murailles. Une nuée infernale flambe sur les lambris. En même temps, un grand vent souffle et les battants des portes s'ouvrent avec rumeur. Un damné en proie au démon traverse la salle en jetant des cris de désespoir. Sa bouche était toute écumeuse, le plomb fondu lui découlait des yeux. Une ombre tout échevelée va lui plongeant un poignard dans le cœur. Avec une épaisse fumée, le sang en sort si noir qu'il fait horreur. Hélas, ma bonne, hélas, que j'ai grand peur. Enguerrand demande à ces tristes personnages le motif de leur tourment. « Seigneur, répond la femme armée d'un poignard, je suis née dans ce château, j'étais la fille du comte Anselme. Ce monstre que vous voyez, et que le ciel m'oblige à torturer, était aumônier de mon père, et s'est pris de moi pour mon malheur. Il oublia les devoirs de son état, et ne pouvant me séduire, il invoqua le diable, et se donna à lui pour en obtenir une faveur. Tous les matins, j'allais au bois prendre le frais et me baigner dans l'eau pure d'un ruisseau. Là, tout auprès de la fontaine, certaines roses aux yeux faisaient plaisir, fraîches, brillantes, écloses à peine. Tout paraissait induire à l'accueillir. Il vous semblait, là qu'elle répandait, la plus aimable odeur. Hélas, ma bonne, hélas, que j'ai grand peur. J'en veux orner ma chevelure, pour ajouter plus d'éclat à mon teint. Je ne sais quoi contre nature, me repoussait quand j'y portais la main. Mon cœur battait, et en battant disait, le diable est sous la fleur. Hélas, ma bonne, hélas, que j'ai grand peur. Cette rose enchantée par le diable livre la belle au mauvais dessein de l'aumônier. Mais bientôt, reprenant ses sens, elle le menace de le dénoncer à son père, et le malheureux la fait taire d'un coup de poignard. Cependant, on entend de loin la voix du comte qui cherche sa fille. Le diable alors s'approche du coupable sous la forme d'un bouc et lui dit « Monte, mon cher ami, ne crains rien, mon fidèle serviteur. » Il monte et sans qu'il s'en étonne, il sent sous lui le diable détalé. Sur son chemin, l'air s'empoisonne, et le terrain sous lui semble brûler. En un instant, il le plonge vivant au séjour de douleur. Hélas, ma bonne, hélas, que j'ai grand peur. Le dénouement de l'aventure est que Sire Enguerrand, témoin de cette scène infernale, fait par hasard un signe de croix, ce qui dissipe l'apparition. Quant à la moralité, elle se borne à engager les femmes à se défier de leur vanité, et les hommes à se défier du diable. Cette imitation des vieilles légendes catholiques, qui serait fort dédaignée aujourd'hui, était alors d'un effet assez neuf en littérature. Nos écrivains avaient longtemps obéi à ce précepte de Boileau qui dit que la foi des chrétiens ne doit pas emprunter d'ornement à la poésie. Et en effet, toute religion qui tombe dans le domaine des poètes se dénature bientôt et perd son pouvoir sur les âmes. Mais Cazotte, plus superstitieux que croyant, se préoccupait fort peu d'orthodoxie. D'ailleurs, le petit poème dont nous venons de parler n'avait nulle prétention et ne peut nous servir qu'à signaler les premières tendances de l'auteur du Diable amoureux vers une sorte de poésie fantastique, devenue vulgaire après lui. On prétend que cette romance fut composée par Cazotte pour Madame Poissonnier, son amie d'enfance, nourrice du duc de Bourgogne, et qui lui avait demandé des chansons qu'elle put chanter pour endormir l'enfant royal. Sans doute, il aurait pu choisir quelques sujets moins tristes et moins chargés de visions mortuaires, mais on verra que cet écrivain avait la triste destinée de pressentir tous les malheurs. Une autre romance du même temps intitulée « Les prouesses inimitables d'Olivier, marquis d'Édesse » obtint aussi une grande vogue. C'est une imitation des anciens fabliaux chevaleresques traités encore dans le style populaire. La fille du comte de Tours, hélas, des maux d'enfant l'ont pris. Le comte qui sait ses amours, sa fureur ne put retenir. Qu'on cherche mon page Olivier, qu'on le mette en quatre quartiers. Commère, il faut chauffer le lit, n'entends-tu pas ce des minuit ? Plus de 30 couplets sont consacrés ensuite aux exploits du page Olivier, qui poursuit par le comte sur terre et sur mer, lui sauva la vie plusieurs fois, lui disant à chaque rencontre « C'est moi qui suis votre page, et maintenant me ferez-vous mettre en quartier ? Ôte-toi de devant mes yeux, lui répondit toujours l'obstiné vieillard, que rien ne peut fléchir. » Et Olivier se décide enfin à s'exiler de la France pour faire la guerre en Terre Sainte. Un jour, ayant perdu tout espoir, il veut mettre fin à ses peines. Un ermite du Liban le recueille chez lui, le console et lui fait voir dans un verre d'eau, sorte de miroir magique, tout ce qui se passe dans le château de Tours. Comment sa maîtresse languit dans un cachot, parmi la fange et les crapauds. Comment son enfant a été perdu dans les bois, où il est allaité par une biche. Et comment encore Richard, le duc des Bretons, a déclaré la guerre au comte de Tours et l'assiège dans son château. Olivier repasse généreusement en Europe pour aller secourir le père de sa maîtresse, et arrive à l'instant où la place va capituler. Voyez quel coup ils vont donnant, par la fureur trop animée, les assiégés aux assiégeants, les assiégeants aux assiégés. Las, la famine est au château, il le faudra rendre bientôt. Commère, il faut chauffer le lit, n'entends-tu pas sonner minuit? Tout à coup, comme un tourbillon, voici venir mon Olivier. De sa lance, il fait deux tronçons, pour pouvoir à deux mains frapper. À ces coups-ci, mes chers Bretons, vous faut marcher à reculons. Commère, il faut chauffer le lit, n'entends-tu pas sonner minuit? On voit que cette poésie simple ne manque pas d'un certain éclat. Mais ce qui frappa le plus alors les connaisseurs, ce fut le fond romanesque du sujet, où Moncrif, le célèbre historiographe des chats, crut voir l'étoffe d'un poème. Cazotte n'était encore que l'auteur modeste de quelques fables et chansons. Le suffrage de l'académicien Moncrif fit travailler son imagination, et à son retour à la Martinique, il traita le sujet d'Olivier sous la forme du poème en prose, entremêlant ses récits chevaleresques de situations comiques et d'aventures de féerie à la manière des Italiens. Cet ouvrage n'a pas une grande valeur littéraire, mais la lecture en est amusante et le style fort soutenu. On peut rapporter au même temps la composition du Lore impromptu, nouvelle anglaise écrite dans le genre intime, et qui présente les détails pleins d'intérêt. Il ne faut pas croire, du reste, que l'auteur de ces fantaisies ne prit point au sérieux sa position administrative. Nous avons sous les yeux un travail manuscrit qu'il adressa à M. de Choiseul pendant son ministère, et dans lequel il trace noblement les devoirs du commissaire de marine et propose certaines améliorations dans le service avec une sollicitude qui fut sans doute appréciée. On peut ajouter qu'à l'époque où les Anglais attaquèrent la colonie, en 1749, Cazotte déploya une grande activité, et même des connaissances stratégiques, dans l'armement du Fort Saint-Pierre. L'attaque fut repoussée, malgré la descente qu'opérèrent les Anglais. Cependant, la mort du frère de Cazotte le rappela une seconde fois en France comme héritier de tous ses biens, et il ne tarda pas à solliciter sa retraite. Elle lui fut accordée dans les termes les plus honorables et avec le titre de commissaire général de la marine.